Vous écoutez France Culture, 20h30. Tout de suite, le feuilleton. Mars attaque. Ou les cinq jours qui ébranlèrent le salon du livre. Un feuilleton d'Iris Dreyer. En direct du studio 111. Troisième épisode. Previously, dans Mars Attaque. Le salon du livre, rebaptisé Paris Livre, vient d'ouvrir ses portes dans une atmosphère tendue pour nos héros. Jean-Pierre Peucher s'agace des pastilles marketing collées sur ses BD et de la mentalité de son public. Il doute de son étoile de romancier et fait une petite crise existentielle. Stanislas Norvid, de son côté, ne peut plus contester l'accusation de plagiat qui lui est faite par la belle Bianca Mars. Celle-ci vient d'ailleurs justement de l'outer sur les ondes de France Culture. Exactement. Je tourne les pages. Oh! Mais là, là, je vous dis, là, tout y était, absolument tout. J'en étais comme malade à l'intérieur de moi, dans mon sexe, dans mes bras, dans ma nuque. Ça me faisait mal aux dents, partout. Je tremblotais tellement que le libraire m'a fait m'asseoir, pas loin de la syncope, là. Pas moins que ça. Est-ce que c'est permis de faire ça? De voler des textes, des lettres, tout ce qu'il y a de plus intime, sacré, c'est la vie privée, ça me semble, non? Je vous le demande, là. L'émission déclenche aussitôt une vive émotion chez les passionnés de littérature, que ce soit du côté des fans de Norvid comme du côté de ses détracteurs. Certains n'ont pas hésité à faire le déplacement au salon pour assister en direct à l'émission. Oh putain, j'y vais! En entrant, il tombe inévitablement sur le stand des éditions Phylactère, où Jean-Pierre Peucher dédicace l'album adapté de son roman Sous un ciel de traîne, prix Goncourt 3 ans auparavant. Ah, la surprise générale, certes, mais pris Goncourt quand même. Putain, c'est où France Culture? Bonjour, jeune homme. Vous cherchez quelque chose? Je peux vous renseigner? Je cherche le studio France Culture où la fille est en train de parler. Oh, c'est de la bombe, ce truc! Qu'est-ce qui se passe? Je sais plus son nom, Gloria Avril ou quelque chose comme ça. La Canadienne. Elle est en train de tout balancer sur Norvid. Attendez, Stanislas Norvid? Moi, je l'ai jamais aimé, ce mec. Ça m'étonne pas qu'il lui ait piqué la moitié de son livre à cette fille. Il paraît qu'ils vont organiser un débat entre les deux. Oh, je veux pas rater ça. Non, c'est par où le studio? Vous voyez la banderole France Culture? Ah, c'est là. Ah ben voilà, il suffit de lever les yeux. Super, merci. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne sais pas, Sidonie. Mais il semble que Stanislas a encore trouvé le moyen de faire parler de lui. Son roman serait un plagiat? Il est vraiment très fort, ce garçon. Très fort. Il n'a aucun scrupule. Mais c'est un écrivain. Un vrai. Oh, arrêtez, Jean-Pierre. C'est vous, l'écrivain. Norvid n'est qu'un clown. Si j'étais l'écrivain, comme vous dites, je ressemblerais à un écrivain. C'est le talent de Norvid. Ou le don. Il ressemble à un écrivain. Qu'est-ce que vous faites? Je cherche France Culture. Vous pouvez écouter la radio sur votre portable? Bah, je crois que oui. Enfin, en principe. Il faudrait que j'arrive à ressembler à un écrivain. Vous ressemblez à ce que vous êtes, Jean-Pierre. Quelqu'un qui écrit des livres merveilleux. Mais pas un écrivain. À l'image qu'on se fait d'un écrivain. Vous avez eu le Goncourt? Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Oui, le Goncourt. La pire chose qui me soit arrivée. Oh. Oh, oui, une catastrophe. Pour mon inspiration, pour ma réputation, pour tout. Ouais, bon, mais bon, c'est bien fait pour moi. J'ai voulu faire le romancier. Si je m'étais contenté d'écrire de la poésie, ou de ne pas écrire du tout, d'ailleurs, j'aurais sans doute mieux fait d'écouter mes parents qui me poussaient à continuer mes études de botanique. Vous ne m'écoutez plus, Sidonie? Si, mais j'essaye de trouver l'émission. Je trouve pas France Culture. 93.5. Oh, merci, mais là, je suis sur mon téléphone. Ah, ça y est. C'est excusez-moi, monsieur. Je vous en prie. Vous avez besoin d'un renseignement? Auriez-vous l'amabilité de me dire si Amélie Nothomb est déjà arrivée? Elle est morte, monsieur. Pardon ? Amélie Nothomb est morte. Oh, mais c'est atroce. Et c'est arrivé quand ? Cette nuit. Ah bah alors ça, c'est un choc. Alors. Je viens à chaque salon pour la saluer et lui faire signer son dernier livre. C'est fini. Oh. Mais comment c'est arrivé ? Subitement. Elle a été emportée, comme ça. Emportée par son succès. Ça vous fait rire ? C'est nerveux. Ah, vous la connaissiez bien ? Ah, je préfère ne pas en parler. Je comprends. Vous gagnez beaucoup, vous aussi. Oh, quel drame ! Mais je sais plus où aller, du coup, moi. Ah ben, allez voir au stand Albin Michel. Je vais vous l'indiquer. Oh, c'est bien aimable, à vous. Non, pensez donc, j'ai l'habitude. Vous prenez l'allée centrale. Oui. Et puis... Ah, oh, je vais peut-être trouver Eric Emmanuel Schmitt. Ah, je crois qu'il est toujours vivant. Ah ben, j'espère bien. Je l'aime beaucoup, lui aussi. Ça ne m'étonne pas. Et vous, alors, vous faites du dessin animé ? Pas exactement, je... Ça n'a pas d'importance. Ah, je comprends. Ben, j'y vais. Hein. Ouais, c'est ça. Oh, vous devriez écouter ça, Jean-Pierre. Oh, ma fille est en train de citer tous les passages que Stanislas lui a piqués. Ça ne m'intéresse pas du tout, Sidonie. Chut, chut, chut. Écoutez. Oui. C'est ce que j'ai écrit. Ah. Et voilà ce que je lis dans le livre de M. Norwood. Attends, mes écouter. Cheveux environnés de parfums d'envie. Oh, oh, j'ai plus de batterie. Tant mieux. Oh, incroyable. Vous auriez dû écouter ça, Jean-Pierre. Il a repris mot pour mot. J'ai jamais eu beaucoup d'estime pour lui en tant que personne, mais je pensais pas qu'il serait capable de faire une chose pareille. Oh, il a du toupet. C'est un escroc. Après ce qu'il a fait à Maria... Je trouve ça inouï qu'il ait autant de succès. Sidonie, ne dites pas de bêtises. C'est précisément parce qu'il a frappé cette pauvre fille que les gens ont acheté son livre. Eh ben, c'est scandaleux. Scandaleux ? Ah, oui, si vous voulez. Au sens où il fait scandale. Mais c'est le rêve de tous les écrivains. Faire scandale. J'aurais tellement aimé faire scandale, moi aussi. Ne serait-ce qu'une fois dans ma vie. Une toute petite fois. Je suis triste pour Julien Després. Pour les éditions du Bac. Et pour vous aussi, Jean-Pierre. Pour moi ? Ça ne me concerne pas. Une affaire comme ça, ça salit la réputation de la maison et ça retombe forcément un peu sur ses auteurs. Aujourd'hui, de 17h à 20h, sur le stand des éditions de Mouret, à l'Église de 1975, Eric est là, cofondateur de l'Église de l'Éducation. Maman, regarde le livre du monsieur. Ah oui, dis donc, c'est joli. Tu me l'achètes, dis maman ? Mais c'est pour les enfants. Ça dépend lesquels. Vous pouvez y aller, madame, c'est pour tous les âges. Très poétique. Tu me dessines un nuage ? Moi, j'ai écrit le texte. Je ne suis pas le dessinateur. Tu sais pas dessiner des nuages ? Dessine-lui un nuage, Jean-Pierre. Un nuage ! Un nuage ! Vous êtes un peu coincé, Jean-Pierre. Elle aime la nature. Tout ce qui est nature, elle en est folle. Désolée pour la qualité du dessin. Ça ira, hein, elle fera pas la différence à son âge. Tu dis merci au monsieur ? Merci, monsieur. C'est combien ? 12 euros. Ah bah c'est moins cher qu'un roman. Et pourtant, il y a plus de travail. C'est une façon de voir les choses. Suivez-moi, madame, je vais ouvrir la caisse. Ah, vous êtes notre première cliente. Je peux vous payer en carte ? Oui, bien sûr. Jean-Pierre, vous êtes là. Anne-Sophie. Quel bonheur de vous voir. C'est gentil de vous arrêter. Vous venez saluer le pauvre scénariste de bande dessinée que je suis devenu ? Oh non, Jean-Pierre, il n'y a rien de grave. C'est juste pour un album. Et puis, c'est pas mal, la BD. Il y a de la couleur. C'est pas comme si vous vous étiez remis à écrire de la poésie. Vous avez réglé le problème des pastilles, à ce que je vois ? Vous étiez au courant de ça aussi. On ne me cache rien, Jean-Pierre. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ça va vous remonter le moral. Il est question de vous faire entrer au jury du prix Récamier. C'est pratiquement fait et je vous jure que je n'y suis pour rien. Ça s'est vraiment fait sans moi. Le prix Récamier ? Vous savez bien, le restaurant Récamier, l'essoufflé. Ils ont lancé un prix littéraire l'année dernière. Vous n'avez pas suivi ? Non. Eh bien, ils ont viré Charles Dantzig. Et ils vous veulent dans le jury. Je ne vois pas l'intérêt, Anne-Sophie. Ah, mais si ! C'est vachement important pour la maison. Je ne comprends pas ce que vous dites, Anne-Sophie. Oh, c'est ça, faites votre bonnet. On a besoin d'avoir quelqu'un dans la place pour soutenir les éditions du bac au moment des votes. Est-ce que je suis claire, là ? C'est une grosse responsabilité. Mais pas du tout, vous n'êtes même pas obligé de lire les livres. Par contre, l'avantage, c'est que vous allez tous les recevoir. Là, je peux vous garantir que ça va sonner à votre porte. Et des coursiers, et des facteurs. Vous n'aurez jamais eu autant de visites de votre vie, Jean-Pierre, sans parler des petits mots doux à l'intérieur, les dédicaces. Ah, les dédicaces. C'est un coup à vous renarcissiser jusqu'en novembre. Et avoir la mine que vous faites, quelque chose me dit que vous en avez besoin. Donc je leur dis que c'est d'accord. Ils vont être ravis. Laissez-moi un peu de temps pour réfléchir, Anne-Sophie. On ne joue pas avec la mort, monsieur. Mais qu'est-ce qui vous prend, vous ? Ce monsieur m'a annoncé qu'Amélie Nothomb était décédée. J'étais tellement choqué, je suis allé au stand d'Albin Michel pour présenter mes condoléances. Et là, j'ai appris qu'il s'agissait d'une blague. Une bien mauvaise blague, en vérité. Vous avez fait ça, Jean-Pierre ? C'était de l'humour noir, j'ai bien compris, mais c'est vraiment vache de votre part. C'est le principe de l'humour noir, monsieur. Vous avez tué Amélie Nothomb ? Mais vous êtes génial, Jean-Pierre. Je vous embrasse. Je suis heureux de remonter un peu dans votre estime grâce à cet enfantillage. Je vais être franche avec vous, Jean-Pierre. Stanislas rêve d'avoir le prix Récamier. Il a besoin d'aide en ce moment. Vous avez vu ce qu'ils sont en train de lui faire. Cette cabale monstrueuse. J'en ai entendu parler il y a quelques minutes à peine. Mais quelque chose me chiffonne dans cette histoire. Je pense bien que ça vous chiffonne parce que nous, ça nous torchonne. Quand je pense que cette petite pute, hein, je ne sais pas comment on dit en canadien, mais en français, il n'y a pas d'autre mot, une petite pute. Elle veut faire interdire le livre de Stan, probablement le meilleur écrivain français actuel. Probablement. De sa génération, en tout cas. En tout cas. Interdire Septembre Rouge, ce chef-d'œuvre. On ne peut pas laisser faire. Stanislas n'est pas homme, monsieur, c'est abattre. Monsieur, s'il vous plaît. La pute attaque, on contre-attaque. C'est la guerre. Monsieur. Je lance une giga-pétition nationale, voire internationale, si on a le temps. Faut que tous les écrivains se mobilisent, tous les journalistes, tous les artistes, voilà, je cherchais le mot. Tous les artistes doivent se mobiliser pour Stanislas Norvid. Guerre totale contre la censure de l'ordre moral. Sur ce thème-là, je sais que je peux compter sur mon frère. Finkielkraut m'a déjà donné son accord et j'ai... qui d'autre encore ? Ah oui, j'ai votre amie Vanessa Paradis, ça c'est le top, grâce à vous. Et donc Jean-Pierre, grande nouvelle... Je vous mets sur la liste des signataires à côté de Solers, de Beck Bédé, de Jack Lang et de Michel Houellebecq. Magique, non ? Monsieur ? Je ne me sens pas à la hauteur de tous ces gens, Anne-Sophie. Mais arrêtez ça, Jean-Pierre, vous n'êtes pas drôle. Non, le seul truc, c'est... Est-ce qu'on précise prix Goncourt ou juste Jean-Pierre Peucher, écrivain ? Mais pas parce que les gens ne se souviennent pas forcément du Goncourt d'il y a 3 ans. Mais, et vous, comme ça, je ne dis pas que ça va relancer vos ventes, mais pour les libraires, ça compte. Ils se disent... Tiens, le cher a signé. Il n'est pas mort. Bon, j'ai pas dit ça. Ils voient votre nom, ils se disent, est-ce qu'on en a encore en stock ? Ils peuvent les remettre sur table. Je vois. Monsieur, on peut avoir un dessin, monsieur ? Oui, s'il vous plaît. Oh, mais c'est quoi ces mômes, là ? Enfin, mais barrez-vous à la fin. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Je dois leur signer mon album. À tout cela ? Bonjour, Anne-Sophie. Mais c'est Liliane, ma petite Liliane. Sidonie. Non. Pour moi, vous serez toujours Liliane, ma petite Lily. Ah, si vous y tenez. Est-ce que Jean-Pierre pourrait dédicacer ses albums ? Monsieur est très occupé, je vois ça. Accaparé par son succès, good, very good, je me casse. Mais bon, un conseil. La BD, c'est bien, mais il faudrait pas que vous essayiez de nous piquer tous nos auteurs. Vos auteurs ? Que je ne vous vois pas tournicoter autour de Stanislas pour lui proposer d'adapter ses romans en BD. On voit comment ça finit. Et comment ça finit, Anso ? Ça finit avec de méchantes pastilles rouges sur la couverture. Monsieur, pour l'album. Alors, j'oubliais. Pour le prix Récamier, autre avantage et pas des moindres. Vous allez pouvoir vous enfiler des soufflets aux écrevisses toute l'année. C'est cadeau de la maison. Sympa, non ? Comme si les enfants présents au salon du livre s'étaient passé le mot et avaient passé le mot à leurs aînés, à leurs parents, C'est maintenant une foule qui se presse devant le stand des éditions Phylactère. Tout le monde veut se faire dédicacer un album des mains de celui qu'ils imaginent être le génial dessinateur de cette œuvre. Je trouve super. Moi aussi, je voudrais devenir dessinateur plus tard. Ah, tu n'es pas le seul. Comment tu t'appelles ? Raphaël. Raphaël Sanzio avec un Z. C'est italien. Je sais. Après son intervention au micro de France Culture et encouragé par le succès de l'émission, Bianca Mars sort du studio, suivie par son avocat qui tente toujours de l'empêcher de faire un nouvel esclandre. Mais en sortant du salon, devant la foule des enfants qui attendent de se faire dédicacer leur album face au stand des éditions Phylactère, Bianca Mars reconnaît l'écrivain. Mais vous êtes Jean-Pierre Pechère ? Oui, c'est moi. Alors, mais c'est le plus beau des hasards ! La boucle est bouclée ! Ah bon ? Tu m'as tué le goûter ? Pardon ? La radio ! Scandale ! Bianca Mars, c'est moi ! Ah, c'est vous ! Rien dire, mais toute seule. Je l'ai faite en hommage à tes poèmes tellement merveilleux qu'ont littéralement bercé mon enfance, puis mon adolescence. Vraiment ? Ils me bercent encore, là, tu sais. Ah, c'est troublant. Oh, je suis tellement admirative de tout ce que t'écris, là. Alors, te voir ici en chair et en os. Si peu de chair, beaucoup d'os. Mais non, pourquoi tu dis ça ? T'es très bien, là. Bianca, sortons d'ici, là. Ah, c'est mon avocat veut pas que je parle. Alors que pour toi, j'ai aucun secret. Je peux tout expliquer le processus. Ah non, ne dites rien, Bianca, ah, ça suffit. Tu vois-tu, je dois partir. Je te laisse à tes admirateurs. Mais j'espère qu'on va se revoir. Avec plaisir, Madame Mars. Oh, Bianca, là, s'il te plaît. Ouais, Bianca, hey, Bianca, ça suffit maintenant, on y va. Allez, allons-y. À très vite, Jean-Pierre. Elle est partie. Ça va bien pour vous, Jean-Pierre ? C'est une vraie tornade. Bon, en tout cas, elle vous fait de l'effet. Une tornade. À suivre. Mars attaque. Ou les cinq jours qui ébranlèrent le salon du livre. Un feuilleton d'Iris Dreyer. Troisième épisode. Avec Vincent Grasse, Pascal Collin, Noémie Landreau, Clémentine Verdier, Christiane Coendi, Michael Delis, Jean-Michel Mollet, Corinne Martin, Lisbeth Arasi-Mornay, Thibaut de Montalembert, Jean-Baptiste Lafarge. Et les voix de Thaïs Lamotte, Margaret Zenou, Antoine Doignon, Zelda Pérez, Véronique Vielle, Christina Crévillienne, Géraldine Sageman, Modeste Nzapasara, Henri Le Guen, Bachir Tlili, Hector Manuel et Alexandre Ridel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Pierre Mine, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Cédric Ossier. Vous pouvez réécouter et podcaster le feuilleton sur franceculture.fr à la page fiction.